Mon époque, ma radio. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission sur le Move.g comme Gréco, tiens. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G, comme Julia, sur le Move. D'amour. Je suis ravie de vous retrouver dorénavant tous les jours pour ce nouveau rendez-vous sur l'amour et la sexualité. Une émission qui va se faire avec vous et grâce à vous. Alors dites-nous tout. L'amour, le sexe, le couple, les hommes, les femmes, les chèvres. Non, pas les chèvres. Mais bref, allez-y, n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II. Moi, là, je me demande ce que vient faire Jean-Paul ici, mais c'est pas grave, on enchaîne, on continue. Vous allez me dire, vous parlez de sexualité, ok, mais pour dire quoi? Eh bien, pour dire ça, par exemple. Les chaussures sont aussi bonnes que le sexe, sauf qu'elles durent plus longtemps. Ça, c'était signé Madonna. Et sinon, il y a vous. Écoutez. Il faut dire 3-4 d'abord, pour voilà. Qu'on commence en même temps. 3-4. Love me, dire que tu m'aimes. Me tromper, continuer, me tromper. Elle serait plus heureuse avec nous, les timides, qui sommes des gens gentils et charmants et doux. On fait mieux l'amour, je suis sûr que... Alors zut. Love me, faire semblant que tu m'aimes. Moi, je suis étudiant en commerce. Il y a certains points communs dans la manière d'aborder un client en faisant du porte-à-porte, du démarchage et de la prospection, et d'aborder une fille en faisant de la séduction et de la drague, parce que en fait, faut faire connaissance et faut découvrir... La personnalité de l'interlocuteur avec lequel on a pour faire des concessions et pour avoir une relation gagnant-gagnant pour que ça soit bénéfique pour les deux parties et puis voilà. Laissez-moi quitter simplement dire que vous avez besoin de moi. Merci à Anka pour ses tout premiers messages sur le répondeur de l'émission. Alors docteur, l'amour c'est du gagnant-gagnant comme on vient de l'entendre? Alors, le langage choque peut-être un petit peu, c'est pas très romantique. Non, mais, enfin, on a vu mieux. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant l'idée du commerce, de l'échange. Je n'aurai plus aucun commerce avec vous, c'est joli comme phrase. Et en même temps, on a toujours parlé du commerce amoureux. C'est totalement désuet, mais bien sûr. Et bien sûr que oui, l'objectif, c'est de chercher à ce que chacun trouve son compte dans une relation. Eh bien, bienvenue à vous, Mireille Dubois-Chevalier. Merci beaucoup. Vous allez nous accompagner tout au long de ce premier numéro de Point G pour répondre à toutes les questions des auditeurs avec un thème à la une aujourd'hui, le Point G, en avoir ou pas, mythe ou réalité. Vous nous avez posé beaucoup, beaucoup de questions sur notre page Facebook, notre répondeur. Et j'en passe, je vous en félicite d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prête, Mireille? Mais bien sûr. Alors, petit rituel de début d'émission, si vous, vous nous donniez votre définition de l'amour et ou de la sexualité? Alors, Sacha Guitry disait, lui, le mariage, moi je dirais l'amour. Et l'amour au sens d'agapé aussi bien que d'éros, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. C'est pas faux. Merci Mireille. À ma droite, nous avons Mathilde Terrier, signe particulier, un goût prononcé pour la Bretagne, les pulls marins et les bretons tant qu'à faire. Ça va la vie, ça va l'amour? Ah, en ce moment, ça serait un peu comme une boîte de chocolat, on aurait enlevé tous les pralinés, tous les bons quoi. Il n'y a que les mauvais. Ok, merci Mathilde. Tous les lundis, histoire de bien commencer la semaine, vous lirez les magazines féminins et les masculins pour nous. Un titre à la une aujourd'hui peut-être? Pas un titre, un nom hein, de magazine sensuel. Tout un programme. Je ne vous en dis pas plus. Mais j'espère que vous nous en direz plus à la fin de cette émission. Alors, pour résumer, c'est parti. L'apparition d'un magazine sensuel, l'apparition du Point G, voilà nos deux sujets à la une d'aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir en direct pendant l'émission, soit sur notre page Facebook Point G comme Julia, ou notre compte Twitter Point Julia, @Point Julia. Et puis bien sûr, évidemment, en dehors du direct, tous vos messages, toutes vos questions sur l'amour et sur la sexualité, soit sur notre boîte mail pointg@radiofrance.com et notre répondeur le 01 56 40 54 54. Voilà, vous savez tout, ou presque. La question du Point G vous a visiblement tous inspiré et c'est une très très bonne nouvelle. Alors on va écouter Mireille, si vous voulez bien, une toute première question sur le répondeur de l'émission. Est-ce que le Point G existe? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu accédé, qui ont déjà pu... tu quoi? le rencontrer, le point G. Ouais, faudrait bien qu'on rencontre un de ces quatre, ça nous ferait du bien. Et du coup, voilà, bah, je suis obligée de laisser mes coordonnées. Oui, alors non, tu n'es pas obligée de laisser tes coordonnées, mais c'est pas mal si tu veux qu'on te rappelle. À part ça, le point G, il existe ou pas alors? Ça dépend des points de vue. On peut considérer qu'il existe parce qu'il y a des zones érogènes, une en particulier, donc, qui a été déterminée, définie comme ce fameux point G, qui était Grafenfeld au départ. Et, Grafenberg au départ, oui. Pardon, oui, Grafenberg, pardon. Et qui, tout simplement, a décrit une zone et qui n'avait rien à voir avec ce qui a été fait par la suite. Par la suite, on a essayé de trouver un point. Alors, point, déjà, c'est pas du tout le terme, c'est beaucoup plus zone. Et puis, oui, pourquoi pas cette zone particulièrement érogène au niveau... qui serait la face antérieure du vagin, tiers moyen, ça correspond à la zone qui est en regard du sphincter vésical et du col de la vessie, puisque en avant, le vagin est en contact avec l'urètre et avec la vessie. C'est en contact aussi, bon, je vais vous passer les détails anatomiques, mais avec un certain nombre de structures qui seraient réputées particulièrement sensibles. Oui, c'est une zone qui est très riche en tissus, et riche aussi forcément en innervation et en vascularisation. Et donc particulièrement réactive. Mais ça n'est pas la seule. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde en a un? Ça, c'est la question que Sophia nous a posée sur Facebook. Existe-t-il des femmes qui n'ont pas de point G? Est-ce que ce sont celles qu'on appelle des femmes frigides? Ça ne veut rien dire. Le vagin, par essence... Sophia, tu as posé une très mauvaise question. Ta question ne veut rien dire. Tu nous écris de nouveau et tu nous la reposes, s'il te plaît. Ça ne veut rien dire au sens où le vagin, ça n'est pas une zone spontanément, naturellement innervée, érogène. Elle est érogène parce qu'elle est érotisée. Parce qu'elle est érotisée à travers l'investissement qu'on en fait, la connaissance qu'on en a. Autrement dit, elle est érotisée dans la relation. C'est-à-dire que si on ne s'en occupe pas, si on ne s'en préoccupe pas, le vagin n'est pas une zone érogène. Ça n'est pas une zone a priori fortement érogène. La zone fortement érogène, c'est le clitoris. Donc ce que vous nous dites, c'est que mécaniquement... ça marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie et égale jouissance. C'est ça. En général, au sens le plus large, la sexualité, c'est pas de la mécanique. A priori. C'est ça. En tout cas. Alors, peut-être pas pour tout le monde, donc on va écouter un nouveau message sur le répondeur, une question qui est revenue souvent. Écoutez. Voilà, j'aurais juste voulu savoir s'il existait un point G pour les hommes. Oui, bonjour. Alors, j'appelais pour l'émission Point G comme Julia. Petite question, si le point G existe chez la femme, et si il existe, qu'en est-il pour l'homme? Est-ce que l'homme a également un équivalent ou un point G bien à lui? Voilà, et bien merci d'avance pour votre réponse. Au revoir. Alors, on parle de point P, par exemple, par analogie. Qu'est-ce que c'est que ce fameux point alors, P? Alors, le point P, c'est la prostate. Ça correspond au toucher rectal qu'on fait aux hommes pour aller voir s'ils ont une prostate de taille correcte ou pas. Donc ça ne concerne pas vos auditeurs, puisque c'est plutôt ceux qui ont une cinquantaine d'années. D'accord. Et en général, c'est pas très érotique. Alors, après, tout peut être érotisé. Bien évidemment qu'un homme peut tout à fait érotiser le jeu avec le toucher rectal au cours d'une relation sexuelle. Mais il ne s'agit pas d'essayer de comparer hommes et femmes. Déjà dans le vocabulaire, dès qu'on commence à faire des superpositions, alors on va avoir le point P parce que le point G, on va avoir par exemple la prostate féminine aussi, puisqu'il en a été question, on va avoir l'éjaculation pour les femmes fontaines, et pourquoi pas le pénis féminin pour parler du clitoris? D'accord. C'est-à-dire que tant qu'à faire, autant ne pas faire de nuances, autant ne pas faire de subtilité, de mettre tout le monde sur le même tableau et de dire que tout le monde réagit pareil quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on est au niveau d'un vocabulaire très phallocentrique. Hein. C'est-à-dire qu'on voudrait absolument, à partir, puisque quand même on part des hommes, évidemment, on part de la sexualité masculine pour comprendre la sexualité féminine, puisque la sexualité féminine, c'est un continent noir. Donc... et qu'elle n'intéresse pas grand monde. Enfin, disons qu'elle commence à intéresser tout le monde depuis très peu de temps. Voilà, tout à fait. En tout cas, du point de vue scientifique, c'est certain. Hein. Ouais. Et donc, la première des choses que font les hommes, puisque ce sont des hommes qui cherchent, ils cherchent à plaquer. Donc là, on a trouvé un point G, donc il leur faut un point P, quoi. Et donc maintenant, à l'envers, voilà, on est en train d'essayer de faire la même chose. Ben non, c'est différent. Ben essayons non, ça marche pas comme ça. Voilà. Bon, question de Louise sur Facebook. L'orgasme lié au point G est-il une question de précision ou de contexte? Je pense qu'on est plutôt sur le contexte, d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein, que c'est alors, plus comment on investit les choses et comment se passe la relation, c'est voilà, ça? Voilà, tout à fait. Ce que je dis souvent aux patients, et aux patientes en particulier, c'est qu'elles peuvent avoir des orgasmes la nuit en rêvant, sans stimuler aucun endroit. Rien. Par définition, sauf l'endroit imaginaire du cerveau qui correspond à. Donc, il est évident que la partie stimulée, c'est pas le problème. C'est comment elle est stimulée. Le plus gros organe sexuel, c'est effectivement le cerveau. Alors, en tout cas, certaines l'ont trouvé. Écoutez. Ce n'est pas un mythe. Je me pose pas vraiment de questions sur le sexe en général. Je me prends pas la tête et je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Se laisser aller, se laisser porter par ses envies et écouter son corps. Et c'est justement au détour de ses expériences, ses abandons que j'ai ressenti le point G. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une sensation d'orgasme sur la durée. En fait d'ailleurs, c'est ma question, c'est est-ce qu'il y a une fin, une explosion un peu, enfin une fin comme le point culminant de l'orgasme clitoridien. Enfin voilà, donc est-ce qu'il y a une fin? Dites-moi tout. C'est-à-dire, est-ce que ça fait une espèce de courbe qui monte doucement, doucement, doucement, jusqu'à son apogée, qui ensuite redescend? Est-ce qu'on arrive à décrire l'orgasme? Alors, on arrive à décrire l'orgasme, et ce que décrivent les femmes, qui petit à petit vont découvrir, celles, en particulier, je pense à celles qui sont dites clitoridiennes, qui n'ont jamais eu d'orgasme au cours d'une relation avec pénétration, mais simplement par stimulation clitoridienne. Un beau jour, effectivement, vont découvrir l'orgasme dans un autre contexte, et en particulier au cours de la pénétration. Et ce qu'elles décrivent en règle générale, c'est que tout d'un coup, c'est autre chose comme éprouvé, c'est autre chose comme expérience, on pourrait dire, probablement parce que justement, ça se passe dans quelque chose qui est beaucoup plus le contexte de la relation, de la rencontre. Il y a une espèce de synchronisme à ce moment-là, on pourrait dire, au niveau des émois amoureux, des émotions amoureuses, des émotions érotiques. Et c'est probablement ça qui fait l'intensité et la différence. Donc ça dépend plus, encore une fois, de la relation à l'autre que de la virtuosité du geste, quoi. Ça va toujours dépendre de la relation, puisque en consultation, pas une fois depuis presque 30 ans, je n'ai vu qui que ce soit venir consulter pour un problème tout seul. Oui. Tout seul, personne n'a de problème. Forcément. Alors, ce que décrit Anna à l'instant sur le répondeur, c'était assez intéressant. Elle parlait de ce lâcher prise, un lâcher prise qui fait très peur à Alice, qui nous raconte sur Facebook. Voilà, je dois avouer que j'ai presque peur de trouver mon point G, peur de dépasser une limite avec tout ce qu'on dit sur cette zone si précieuse. J'ai peur de perdre mon contrôle et de voir ce qu'il se passe. Et c'est exactement à ça que sert la sexualité. Enfin, en tout cas, on peut espérer que ça sert à perdre le contrôle. Oui, ça sert à perdre la tête, comme le dit si bien l'aphorisme, hein, à s'abandonner. Et c'est une des conditions pour rencontrer l'autre. Et donc, pour laisser surgir, oui, quelque chose qui a à voir avec une jouissance. Et le point de départ et sans doute le point d'arrivée peut se retrouver dans cet orgasme. Et peut-être justement d'arrêter d'essayer de chercher à tout craint ce point G. Je le dis parce qu'on a un message de Camille sur Facebook aussi qui nous dit « Je n'ai pas trouvé mon point G pour le moment avec mon copain. Est-ce que je dois essayer toute seule? Est-ce qu'il faut ?» Alors, il faut rien du tout hein, en matière d'amour et de sexualité. Vous entendez? Il faut rien. On fait si on veut. Bon. C'est ça. Et le témoignage qui disait « J'écoute mon corps », bah oui, hein, il faut suivre, il faut se suivre soi-même, suivre les mouvements de son corps. Alors, si on se met dans la perspective que le corps est un merveilleux terrain d'expérimentation, de jeu, de découverte, et que c'est un laboratoire, oui, on peut être son propre explorateur de ce laboratoire, mais l'objectif, c'est pas de chercher le point G. C'est pas une obligation. Pas une obligation non plus. C'est pas de chercher le Saint Graal, ni seul, ni en couple. Alors, je vous bénis, parce que vous m'offrez une transition magnifique, vous me parlez de Saint Graal, il se trouve qu'on a reçu un message de Laurent, qui nous a parlé du point G comme du Graal et qu'on a tout de suite en ligne. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans, vous travaillez dans la communication et vous, le point G, d'après ce que j'ai compris dans votre message, ça vous agace, hein? Oui, le point G, moi j'ai l'impression que c'est un peu un mythe. Alors je regrette, j'ai pas écouté le début de l'émission. Ah ça, c'est pas bien. De l'émission, je suis en Bretagne. Ah, c'est pas breton. Non plus. Ah, breton. Mathilde est contente, mais pas moi. Je vous en prie, poursuivez. Mais je serai un auditeur fidèle, bien sûr. Bien entendu. Et j'ai l'impression que ce point G, c'est un peu, en fait, oui, comme le Graal. Ou alors, s'il y en a un, je pense qu'il se déplace. Pour moi, c'est un mystère. Je pense qu'on parle surtout du point G pour les femmes. Est-ce qu'on parle du point G pour les hommes, d'ailleurs? Alors, vous n'avez pas entendu, effectivement, le début de l'émission, mais je vous le redis. Non, en fait, on parle parfois de point P, mais dans une sorte d'analogie totalement absurde, idiote et inepte. Enfin, Laurent, zut, à la fin. Voilà. Non, je plaisante. Effectivement, on en parlait avec Mireille Dubois-Chevalier. Vous disiez aussi sur votre mail que ce qui vous agaçait dans cette histoire, c'était toute une logique de performance que vous sentiez derrière, c'est ça? Oui, moi j'ai l'impression que cette recherche du point G, elle est un peu, oui, c'est une idée de la performance qui est un peu dommage, parce que je pense que ce point G, en fait, il se déplace, tout dépend du partenaire qu'on trouve. Et c'est une histoire de deux corps qui se rencontrent. Il y a des choses qu'on fait avec certains ou certaines qui font grimper au rideau, et puis d'autres qui ne marchent pas. Je pense que ça dépend vraiment d'une odeur d'un corps et d'envies différentes selon le corps et la rencontre. Merci Laurent, je n'ai qu'un mot à dire. Si tous les hommes étaient comme vous, Mathilde et moi serions bien ravis. Si, comme Laurent, vous avez envie de réagir en direct dans l'émission, laissez-nous un message sur le répondeur avec vos coordonnées. On vous rappellera, bien sûr. À suivre, dans Point G, en commençant par la fin, une jolie chanson d'amour, une revue de presse avec ce magnifique magazine sensuel dont on ne parle pas assez. Non. Et puis toujours, bien sûr, en compagnie de Mireille Dubois-Chevalier qui répondra à toutes vos questions. Alors ne bougez pas. Mon époque, le Move, ma radio. Bonjour, je suis Charline Roux. Retrouvez-moi demain, les amis, pour une séance de dédicace exceptionnelle. Charline, tu me coupes pas, t'es gentille. Charline, c'est pas toi la vedette. Comment ça, c'est pas moi? La star du 9-12, c'est la playlist du Move. Les nouveaux et les meilleurs titres, plus de la télé, du cinéma, de la bande dessinée, des séries. Le 9-12, un programme complet, de qualité, avec une Charline Roux pleine de qualité. Oh, c'est mignon! Tu veux un autographe? Du 29 au 31 mars, c'est la 8e édition du festival Repercussound avec le Move. Pour le week-end de Pâques, direction Villeurbanne. Les murs du double mixte vont à nouveau trembler avec Yuxek, The Bloody Beetroots, Pendulum, Let's Sky, Étienne de Crécy, Sexy Sushi, DJ Vadim, Skip the Use, Joris Delacroix et beaucoup d'autres. Tous les artistes incontournables de la scène électro-rock seront au festival Repercussound du 29 au 31 mars à Villeurbanne. Plus d'infos sur lemove.fr. À Toulouse, 95.2. À Amiens sur 91. Et Londres, lemove.fr. Et vous êtes toujours à l'écoute de Point G, l'émission qui vous donne la parole sur l'amour et la sexualité. Aussi, vous pouvez faire votre Véronique Jeannot pour nous, vous pouvez tout faire, ou presque. Et pour ça, comme on est sympa, on vous laisse le choix, car nous avons, oui, un répondeur, le 01 56 40 54 54, une page Facebook, point G comme Julia, un compte Twitter, @.Julia, et même un mail, bah ouais, .G@radiofrance.com. Si vous avez des questions, des réflexions d'ordre général sur l'amour et la sexualité, ne vous gênez pas. Si vous voulez réagir sur des thèmes que l'on va traiter, jetez un œil sur la page de point G sur lemove.fr. Ne le cherchez plus. Point G, on l'a trouvé. C'est tous les jours sur le Move à 19h30. Et nous sommes toujours avec la sexologue Mireille Dubois-Chevalier. Alors, on le disait tout à l'heure, les premières études grand public sur le point G sont assez récentes. Elles datent du début des années 80. Les femmes, à l'époque, on ne sait pas bien comment ça marche. D'ailleurs, ça n'intéresse pas beaucoup. Alors, écoutez cet extrait d'une interview de Françoise Dolto. On est sur TF1 et on est en 1983. Le livre de chevet ce soir, Françoise Dolto, La sexualité féminine, avec un sous-titre explicite, libido, érotisme et frigidité. Excusez madame d'abord l'incompétence des personnes de mon sexe en cette affaire sérieuse. Quand vous dites sexualité féminine, vous entendez sûrement qu'elle est très différente de la masculine. Et pourtant, dans votre sous-titre, libido, érotisme, cela pourrait, ça pourrait être équitablement partagé. Pourquoi pas ? Mais en quoi y a-t-il donc une sexualité féminine spécifique ? En quoi il n'y aurait-il pas, je suis profane, pratiquant peut-être mais profane, il n'y aurait-il pas une sexualité partagée qui serait commune aux deux ? C'est le mot féminine qui m'interroge. Voilà, donc pratiquant mais profane, Mireille, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi ? Qu'on vient de loin ? C'est-à-dire que je ne sais pas s'il s'était posé la question de savoir s'il y avait une différence des sexes, même en amont, on pourrait dire. Parce que fondamentalement, c'est ça la question. Sexe, c'est ce qui est écrit sur la carte d'identité. Sexe. F, M, féminin, masculin. Donc si on le met, c'est qu'il doit y avoir une différence quand même. Donc par définition, si le sexe est différent, effectivement, la sexualité est différente. Alors je ne suis pas très sûre qu'on en soit très loin, mais on n'est quand même plus quand tout même à fait là. Avancé. Absolument. Ouais. Alors on va entendre la réponse de Françoise Dolto. Ça veut dire au féminin. Et depuis que le monde est monde, la littérature en parle bien. De cette différence entre les hommes et les femmes dans leur relation de plaisir. Et de cette différence qui parfois ne s'accommode pas l'un à l'autre, alors qu'elle devrait s'accommoder. Elle s'accommode pour procréer des enfants, mais elle ne s'accommode pas toujours pour le plaisir partagé, comme vous dites. Alors effectivement, pas toujours ça, on en est encore là. Qu'est-ce qui pour vous aurait le plus changé sur ces 30 dernières années ? Le discours. C'est-à-dire qu'on en parle. Oui. Voilà. La grosse différence, je pense que c'est ça. Les femmes, quand même, ont pris beaucoup plus la parole. On peut dire aussi que l'avancée dans les connaissances masculines ouvre en parallèle le champ sur les connaissances féminines, ne serait-ce que d'un point de vue scientifique. L'idée, par exemple, de parité, ce qui fait son chemin petit à petit, de la même façon, obligatoirement, ouvre aussi sur le champ de la sexualité. Alors effectivement, avec sa propre perversion, c'est-à-dire qu'on est passé d'une espèce de tabou absolu, d'interdit absolu, à un discours sur le sexe qui est un discours sur la performance, et maintenant avec une espèce d'obligation de jouir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est passé, après des siècles de « il ne faut pas », à là, depuis 10 ans, il faut quoi. Absolument, il faut, et puis il faut jouir à tous les coups, et puis... alors, et 10 fois dans la journée, si c'est possible, parce que si on est en dessous des 10, alors là, ça va pas, quoi. Mais en tout cas, quand même, ce qui reste prégnant en clinique, quand je vois les couples, c'est le partenaire qui, si la partenaire n'a pas joui, il a pas réussi son coup, je dirais. Hein. Voilà. D'où cette obsession du point G. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour et le sexe font toujours les grands titres aujourd'hui de nos revues et de nos magazines. Et la preuve, c'est tout de suite. La revue de presse, Mathilde. Bah non, je suis désolée, Julia. Mais vous devez faire une revue de presse, là. Bah oui, mais on m'avait dit, Mathilde, dans votre revue de presse, prenez soin de parler autant des femmes que des hommes, pas de traitement de faveur, ni de parti pris. Ouais. Oui, mais je fais comment, moi, quand il n'y en a plus, hein ? D'hommes ? Oui, non, la fin des hommes. Le titre à la une de Grazia et de Elle cette semaine. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Après le temps des cathédrales, voici donc venu le temps des femmes. Si l'on en croit, en tout cas, Anna Rosin, une journaliste provoque américaine qui a foutu le boxon avec sa thèse The Hand of Man. Quel accent ! The Hand. Donc on écrit avec un H, bien entendu. En résumé, Plastic Woman, la femme inventive, l'emporterait économiquement et socialement sur Cartoon Man, l'homme incapable de se remettre en question. Voilà, au niveau du cliché, on est bien. Son interview, elle est à lire dans Elle, mais aussi dans Gradia. Est-ce à dire que cette femme serait en promo cette semaine ? C'est bizarre. Anna Rosin, pour qui l'homme est devenu du superflu, de l'accessoire, un simple sac à main, quoi. Une nouvelle place qui aurait aussi des conséquences au plan sexuel. Hein. Les femmes, je cite, adoptent un comportement de prédatrice et expérimentent de plus en plus la sodomie. Un bon indicateur, selon elle, de la prise de pouvoir au pieu. Oui, oui, Mireille Dubois, Chevalier, je vois que vous froncez les sourcils. Pour vous, c'est pas un bon signe de girl power ? Non, mais c'est la sodomie, dans quel sens ? C'est-à-dire que c'est elles qui ont un god et qui sodomisent leur maître, non, c'est ça ? Non, pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce symbole, pour certaines véhiculées d'humiliation, peut être vu comme ça depuis des années, eh bien, le ferait allègrement comme un contre-pouvoir. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter de se faire sodomiser, ça voudrait dire, selon cette personne-là qui a écrit ce livre, donc cette Anna Rosin, c'est une façon de prendre le dessus. Je vous vois perplexe et dubitative. Moi, toutes les théories sont défendables. Hein. Bon, en tout cas, si l'on en croit la presse féminine, excite l'Homo sapiens, place au nouveau type. Alors, je vous laisse découvrir son catalogue dans Grazia. Ça va de l'homme trophée, en passant par le social cool, à l'homme cagole. Hein. Mention spéciale au passage au catamoureux. Dépendant couple, il peut vite virer Mister Mom, devenu père. L'homme nouveau qu'il faut libérer. Selon Cosette, qui heureusement est un peu plus nuancée, il est peut-être minoritaire, je cite, dans un monde où la domination masculine n'a pas disparu, mais il est bien là, frémissant, son plat de moussaka à la main. Julia, faites gaffe à ceux qui manient l'aubergine. Ouais. Non, mais enfin, aubergine ou pas, en tout cas, ils sont tous d'accord sur un point, il n'y en a plus beaucoup, hein, des hommes. Et qui dit rareté de l'animal dit. C'est cher, ce qui est rare est cher, non ? Dis chape efficace, pardon, voyons pardon. Alors on se bouge les fesses et on affûte ses critères de sélection grâce aux 70 conseils de pros pour trouver l'homme de votre vie de sensuel. Ah, ben le voilà ! Oui, oui, oui, sensuel, Julia. Ici, on est là pour parler de la presse, hein. Un bimensuel fort mal connu, son 31e numéro pourtant, qui nous conseille d'être intéressante, agréable, et de sortir de chez nous, c'est sûr, ça aide. Hein. C'est plus pratique que d'être dans sa cave. Enfin, d'après le magazine, le but n'est pas de trouver le bon partenaire, mais d'être le bon partenaire. En clair, pour trouver l'homme de votre vie, choisissez quelqu'un qui ne vous plaît pas, mais faites-le rêver. Voilà, un bon conseil. Ok, maintenant que grâce à Sensuel, on a un mec, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lui fait un bisou, pardi. Grâce aux 5 techniques infaillibles pour bien embrasser. À la une de Men's Health ce mois-ci. Alors, je ne sais pas quelle est la cible de ce magazine, hein, mais passé 12 ans, moi, perso, je trouve ça étrange de traiter de ce sujet. La journaliste s'explique. Pour les femmes, le baiser est la porte d'entrée qui conduit au sexe. Concluez l'affaire à chaque fois. Alors, comment on fait ? Tout d'abord, on évite de baver. Alors, pour cela... Il y a écrit éviter de baver. Oui, éviter de baver, conseil numéro 2. Alors, la journaliste nous donne une astuce, elle est vraiment sympa. Si vous envisagez d'emballer, anticipez et arrangez-vous pour avoir un verre à portée de main. Très pratique. Attends, je peux pas, faut que j'aille chercher un verre d'eau. Ça marche à tous les coups. Men's Health qui nous conseille aussi, en cas de mauvaise haleine, eh bien de chercher l'inspiration chez les koalas. Alors bon, si vous n'avez pas le temps, prenez un chewing-gum à l'eucalyptus. Ah, pour les feuilles à l'eucalyptus. Eh d'accord, oui, c'est d'accord. Mignon, c'est poétique. Enfin, dernière situation évoquée. Votre langue est dans sa bouche, mais ne bouge pas. Alors là, oh moi, Dieu. Excusez-moi, mais à moins d'avoir un AVC, je vois pas comment on peut faire ça. Julia, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, avec un mort, peut-être. Oh non ! Pardon, excusez-moi. Allez, on enchaîne. Rien à voir avec le mambo, c'est un feeling. Un battement de cœur. Cocon. Cœur-cœur. Cocon. Le courrier du cœur. Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà lu le courrier du cœur, en tout cas moi je trouve ça consternant. Subjectivité, réponse infondée, voire insensée. J'ai donc décidé d'y répondre moi-même parce que je suis vachement plus crédible. Alors, une question d'une anonyme dans Glamour du mois d'avril. Il passe son temps à me quitter et à revenir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il vous prend pour une conne. Voilà, oh, bien fait, c'est répondu. Deuxième question. Dans la rubrique Dr Love de Grazia, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée folle amoureuse. Il a préféré mettre fin à cette histoire en me disant qu'il ne savait pas gérer une histoire de cœur et qu'il a une boîte à faire tourner. Que dois-je faire ? Rien, surtout. Ou alors trouver un bon moyen de couler son entreprise. Pensez-y. Allez, bonne semaine. Merci Mathilde. L'émission se termine. Juste peut-être un dernier message sur le répondeur. Avant de se quitter, on écoute. C'est parti. Oui, bonjour, j'appelle pour l'émission G comme Julia. J'avais une petite question. Est-ce que cette émission s'appelle comme ça ? Parce que Julia, tu sais exactement où se trouve ton point G. Si oui, pourrais-tu m'envoyer une localisation GPS de ce foutu point G ? Merci beaucoup, au revoir. Alors moi je veux bien, mais le problème c'est qu'en fait on n'aurait pas le même, donc sauf si je te le prête, mais enfin ça peut-être c'est possible de prêter son point G, docteur. Et il y en a qui ont essayé, mais ça marche pas, hein. Ça marche pas. Bon, malheureusement ça c'est pas possible. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est passer la musique que vous voulez. Écoutez. C'est Brice qui nous a écrit, c'est une chanson qui me fait penser à mon amoureuse. Je l'écoutais en boucle à New York en pensant à elle alors que nous n'étions qu'amis à l'époque, et ça va bientôt faire 5 ans que nous sommes en couple. À chaque fois que je l'entends, je repense à la première fois où je l'ai embrassée. Voilà, donc c'est un message de Brice pour son amoureuse. On écoute quelques notes de Patrice. Because her body language is like poetry, I'm falling, but she's holding me, she's calling, but I'm not sure it's me, I don't know if she sees in me what she thinks a man's supposed to be, for love is deep, and I wonder if she's really in love with me, or rather the idea of P-A-T-I-C-E, see girls before I fly to me, if I let her deep inside of me, would that be a place rightfully, if I made a queen over me, would she rule a queen unrighteously, or just want a slice of me, are you the one? Voilà, Point G, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette première. Merci à Mireille Dubois-Chevalier pour merci nous avoir à vous accompagnés. À très bientôt, j'espère. Mathilde Terrier à la revue de presse, Geoffrey Roblin, la technique, Julie Vernet, Romy Engels pour la préparation, la coordination de cette émission.